Chapitre 6e, les sbires. Arrivez donc, cher Balthasar. On commence à craindre que vous n'eussiez été enlevé par une belle aventurière. Et il n'en manque pas à Venise, d'autant plus que le carnaval est proche. Ses propos se croisaient ainsi que des flèches. Valerio, tout en faisant asseoir à sa droite le retardataire, le regardait avec bienveillance. Frappé de sa valeur, il ne put s'empêcher d'émettre une observation à cet égard. Le chevalier se rejeta sur un mal de tête. « Mon malvoisie vous guérira, » dit le maître de la maison, « c'est une panacée universelle. » La cordialité de Valerio sembla avoir pour effet d'assombrir davantage le convive sinistre. Mais soit que ce dernier eût réussi à se dominer, soit qu'il jugea nécessaire de donner le change, bientôt Balthasar fut le premier à porter les santé, à improviser des chansons, à débiter les devis qui conviennent si bien aux lèvres vermeilles et aux dents blanches de la jeunesse. Il causa de l'éblouissement même à Leopoldo, même à Giuseppo. Si parfois un éclair fauve passait dans sa prunelle, c'était avec une rapidité qui ne permettait à personne de le surprendre. Comme tous les naïfs, Valerio admirait ce fier patricien qui daignait se faire si affable et qui lançait les fines réparties avec autant d'adresse que le frondeur des îles Baléares en met à diriger sa pierre. Il ne remarquait pas que parfois Balthasar embrassait d'un œil ardent la salle splendide où avait lieu le festin. Parfois aussi, après avoir parlé avec la véhémence passionnée d'un homme qui veut s'étourdir, il tombait dans un silence profond dont rien ne pouvait le tirer. Alors, inclinant la tête, Balthasar semblait prêter l'oreille à un bruit que nul n'entendait. Quand la tapisserie s'écartait sous la main des serviteurs qui entraient, chargés de plats d'argent, il éprouvait un tressaillement involontaire. Après que les derniers verres eurent été bu au succès de l'immortelle République, Balthasar proposa une partie de passette. Les assistants applaudirent, mais Valerio, qui n'avait point pour habitude de déguiser sa pensée, s'éleva fortement contre cette motion. « Je regrette, dit-il, de différer d'avis avec vous, mon cher, mais j'ai pour les cartes une aversion prononcée. Le jeu, tel qu'on le pratique dans notre pays, n'est pas un délassement, mais une ruineuse fatigue. Nous avons de bons musiciens, mieux vaut les écouter. Rien d'ailleurs ne nous empêche de commander nos gondoles et d'aller jusqu'à la place Saint-Marc, aspirer les brises d'une nuit magnifique, sans compter que dans mon jardinet on trouve un air embaumé par les fleurs. Oui, dit Leopoldo, surtout sous ce platane, qui recueille peut-être plus d'un doux serment. Cette insinuation provoqua chez Tiepoli un froncement de sourcils, tandis que Balthasar souriait. Les choses en étaient là lorsque plusieurs laquais entrèrent tout effarés. Qu'est-ce ? Demanda Valerio. L'un des serviteurs s'approcha d'un air tremblant et dit à demi-voix à son maître « Plaise à votre seigneurie de se lever et de suivre les gens de la garantie criminelle. Qui sont là pour l'emmener ?»« M'emmener, moi, y pense-t-on ? C'est sans doute une erreur. Qu'ai-je fait ? De quoi puis-je être coupable ?» Le valet n'avait pas à répondre à cette question. Il s'inclina en montrant des hommes vêtus de noir qui venaient d'apparaître au seuil de la porte. Le chef de l'escouade marcha lentement vers le jeune capitaine et lui toucha l'épaule d'une petite baguette. Tiepoli frémit d'indignation et laissa s'échapper ce cri de la dignité offensée. « On m'arrête, moi, qui ai versé mon sang pour la République. On m'arrête comme un malfaiteur ou un traître. Je ne puis accepter cela. » Et se tournant vers l'assemblée, « N'est-il pas vrai, mes amis ?» Personne ne hasarda une parole. Les assistants, devenus semblables à autant de statues, retenaient leur souffle aussi bien que leur voix. C'est que la justice à Venise était d'autant plus redoutable qu'elle employait des formes mystérieuses. C'est que l'image du Carcere et d'Ouro se posait menaçante devant tous ces gentilshommes efféminés. Qu'allait-il advenir du malheureux Valerio ? « Vous avez peur ? » dit-il avec un accent de pitié. « Mais moi, mon bon droit me rassure, mes amis, que ce triste événement ne vous chasse pas d'ici. Cher Balthasar, c'est vous qui me remplacerez. » Balthasar s'inclina sans trouver la force de répondre. « Non, dit Giuseppe avec un élan de générosité, nous rougirions de prolonger cette fête, tandis que la rigueur de la loi pèse sur vous. Votre départ sera le signal de notre retraite. »« Merci, dit Valerio, et se tournant avec calme vers les sbires, marchons. »